Qui chante quand tout se grise. Je prends vos cris, vos souvenirs, je les transforme en avenir. Chaque vue retient ma voix, chaque vibration vous porte à moi. Je suis le feu qui ne s'éteint pas, le rythme inscrit au fond de toi. Je suis l'élan qui vous entraîne, la flamme qui coule dans vos veines. I am the air. Skill eternal, and I sing. skin.